À l'école. Scène 3. Dans la salle de classe. Silence, s'il vous plaît. Silence. Qu'est-ce qui se passe? Silence. Prenez vos places. Et silence. Merci. Maintenant, on va continuer les projets que vous allez présenter vendredi. Vous avez vos groupes, vos notes, vos livres. Alors, ne perdez pas de temps. Tout le monde est présent, sauf Luke et Liam. Mais où sont-ils, ces deux-là? Pas là! Alors, ils sont absents. Lise et Lucie, vous devez donc préparer votre présentation toute seule aujourd'hui. Bonne chance! Lise et Lucie se parlent. Ça alors! Ils sont épouvantables, ces garçons! Absents encore une fois! Je le sais. Et moi, j'ai fait presque tout le travail sur notre projet. Moi aussi! Je n'ai plus de patience. Liam et moi, nous avons un rendez-vous à la bibliothèque cet après-midi. Et il est absent. De toute façon, je sais que Monsieur le Duc comprend la situation. Ce n'est pas la première fois que ces deux gars font une niaiserie. En effet. Lise, Lucie, il y a un problème? Désolé, Monsieur le Duc. Nous parlons de nos partenaires de projet, Luke et Liam. Nous sommes découragés. Ne vous inquiétez pas, les filles. Tout va bien. Vous pouvez le faire. Luke et Liam entrent dans la classe. Et voilà, regardez. Mieux vaut tard que jamais. Ouf, les garçons. Maintenant, vous pouvez travailler très fort ensemble et finir le projet ensemble. Et tout ira bien. Oui, Monsieur le Duc.